بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم، وبوأني الله عز وجل وإياكم من الجنة منزلا. Donc mes frères bien-aimés, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous poursuivons les cours de cette soirée qui sont des cours de tawhid, à travers lesquels nous sommes en train de citer les noms, les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un aperçu de leur sens et de leur portée. Et justement, la semaine passée, nous avons cité quelques éléments de la portée des noms d'Allah azza wa jal, Al-Ghafour, Al-Ghaffar et Al-Afou. Donc le très pardonneur, le grand pardonneur, et celui qui efface les péchés également. Donc nous avons cité quelques éléments de la portée de ces noms. Et aujourd'hui, Inch'Allah azza wa jal, nous poursuivons ce qui nous reste, Inch'Allah jalla wa ala. Et c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'implore succès, rectitude et droiture dans ce qui va être dit. Amin. Le cinquième point parmi ce que découlent bien les enseignements qu'on peut tirer du pardon d'Allah Azza wa Jal et de sa clémence, nous avons le fait que le fondement du jugement d'Allah, le Très-Haut, le fondement de sa royauté et de sa gestion est le fait qu'il ait précédé sa miséricorde sur sa colère, sa clémence sur ses reproches, sa bienfaisance sur son châtiment, et qu'il ne veut pas la perdition de ses serviteurs, mais il veut pour eux le salut, et il leur en a préparé les voies. Ceci, mes frères en Allah, c'est un point très essentiel et important. Le fait qu'Allah Azza wa Jal ait fait prévaloir sa miséricorde sur sa colère, son pardon sur son châtiment, sa bienfaisance sur ses reproches. Cela est un fondement énorme de notre Seigneur et Créateur. Et c'est un fondement qui s'applique sur sa gestion des mondes, subhanahu wa ta'ala, et sur ses jugements religieux. Et ainsi doit voir le musulman, et même le non-musulman, notre Seigneur. C'est comme ça qu'on doit le connaître. Et c'est comme ça qu'on doit le décrire. C'est comme ça qu'on doit connaître notre religion et la décrire. C'est comme ça qu'on doit connaître la destinée et comment la décrire. Que son fondement premier, sa base sur laquelle elle se repose, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa bienfaisance et sa bonté. Allah azza wa jal s'est décrit par des attributs divers et variés, et par des noms aussi divers et variés. Allah azza wa jal a fait en sorte qu'il se soit décrit aux gens pour que les gens sachent et comprennent que l'un de ses attributs premiers, les plus importants, qui fait prévaloir sur le reste, sa miséricorde, sa clémence et son pardon. Voilà pourquoi, dans son livre divin, le Coran, sa parole, il l'a commencé par un verset. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Vous voyez, c'est le premier élément qui te donne un aperçu de tout ce qui va venir après. Tout ce qui va venir après découle de cela. Donc c'est la toute première présentation de la parole d'Allah. Allah Azzawajal aurait pu la commencer par ce qu'il aurait voulu. Il aurait pu citer sa science, sa sagesse, sa grandeur, ses éloges. Il aurait pu citer sa royauté, sa suprématie, son triomphe et toute autre chose, même son châtiment. Au sens que voilà mes jugements et attention, si vous transgressez, mon châtiment est ceci et cela. Il aurait pu, mais il a choisi de ne pas le faire. Il a choisi de commencer son Coran avec le fait de se décrire par la miséricorde. Bismillah, au nom d'Allah. Allah, c'est le nom qui renferme tous les noms et attributs. Après, il s'est décrit Ar-Rahman, le tout miséricordieux, pour faire référence que tout se base sur ça. Tout ce qui va être cité à partir de maintenant, ce nom-là peut résumer tout ce qui va venir. Ce nom-là peut te donner un aperçu de tout ce qui va venir, Ar-Rahman. Et quel beau nom, Ar-Rahman! Les savants disent, Fa'lan, Rahman, ça relève de l'emplissement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de miséricorde. On aurait pu dire que Bismillah ar-Rahman, ça aurait pu suffire très largement. Il a cité son nom le plus global, le plus général, parmi les plus beaux, Allah. Il a cité ar-Rahman. Que demander de plus? Mais Allah Azzawajal a rajouté un autre nom qui découle de la même racine, ar-Rahman. Il a dit ar-Rahim. Et ces deux noms se chevauchent, mais il y a un enseignement supplémentaire de l'un et de l'autre. Encore une fois, le premier aurait suffi. Mais Allah Azzawajal a appuyé le sens et a rajouté d'autres sens en citant le second nom. C'est clair qu'Allah Azzawajal a voulu que les gens comprennent parfaitement ce principe et ce sens et ce fondement. Que les jugements d'Allah, religieux ou dans la gestion des mondes, se basent sur cela. Après, il a dit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, il s'est décrit comme étant le Seigneur des mondes. Le Seigneur des mondes, ce n'est pas le président. Ce n'est pas le président du plus grand pays. Ce n'est pas le roi. Ce n'est pas l'empereur. C'est le Seigneur. C'est bien au-dessus, bien au-delà. C'est le Seigneur. Pas d'un pays, mais des mondes, de tout ce qui existe parmi la création. Tout ce qui existe en dehors de Allah, Allah, c'est le Seigneur de tout cela. Vous savez bien que pour gouverner quelque chose, des fois, il faut une fermeté, il faut une sévérité, il faut des punitions. Demandez aux parents. Vous êtes parent, vous êtes enfant, vous avez été, vous savez que des fois il faut Si vous gérez une équipe dans votre travail ou autre, vous savez qu'il faut, si vous êtes responsable, vous savez également qu'il faut une fermeté, une sévérité, des récompenses et des punitions. Voilà pourquoi des fois, il y a des gens qui se décrivent comme étant l'empereur qui est craint par tout le monde. L'empereur qui... Et ils se décrivent. Allah Azzawajal s'est décrit comme étant le Seigneur des mondes. Après, comment s'est-il décrit? Celui qui a l'armée qui n'est pas vaincue. Celui dont personne ne connaît son armée. Celui qui a la force et la puissance de faire tout ce qu'il veut. Celui qui, lorsqu'il prend des gens, il les prend d'une prise terrible et douloureuse. Celui qui a le châtiment éternel? Non. Il s'est décrit comme étant le Seigneur des mondes. Tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il vient de le dire. Il l'a redit. Il ne s'est pas suffi de un seul de ces deux noms. Il a cité les deux noms encore une fois. Ce n'est pas pure répétition. Allah est bien au-delà de cela. C'est un enseignement qui nous vient. Que la gestion d'Allah Azzawajal des mondes, là aussi, elle est basée et fondée sur sa miséricorde. Que ce soit ce que tu vis dans la vie mondaine, ou bien de ce que tu vis religieusement parlant. Et c'est ainsi que doit être la vision du croyant vis-à-vis de son Seigneur et de sa religion. La base première, fondamentale et prépondérante, c'est la rahmat d'Allah. De ce fait, si tu viens à réfléchir sur cela, sur ton Seigneur, sur ta religion, sur le Coran, il faut que la première chose qui te vient en tête, c'est cela. Si tu viens réfléchir sur la religion, les règles religieuses, la première chose que tu dois penser, c'est cela. Et de même, lorsque tu veux parler de cela, de ton Seigneur, de sa parole, de ses jugements religieux, de sa gestion des cieux et des terres et de ce qu'ils contiennent, tu dois parler de cela. En effet, il y a un certain nombre de personnes qui critiquent l'islam et les musulmans en disant « Oui, votre religion, c'est la religion où on coupe les mains, où on fouette, on fait ceci, on fait cela, il y a l'esclavage, il y a tout. Vous, vous êtes des gens, vous êtes des gens. » Les musulmans, ils disent « Oui, il faut ces jugements, c'est comme ça, c'est dit dans le Coran. » Mais ça ne va aider en rien l'appel à la religion. Ça ne va aucunement défendre ta religion. Parce que c'est pas comme ça que doit être décrit l'islam. C'est pas comme ça que doit être décrit notre Seigneur. Et si on vient à chacun de ces éléments cités, si on vient les expliquer, les éclaircir, on dira, c'est comme celui qui a voulu défendre les gens, ensuite on l'a accusé, lui, d'avoir fait telle et telle chose mauvaise. Pour pouvoir défendre notre Seigneur, sa religion, le Coran et les musulmans, il faut connaître. Et quand tu connais, tu sais. Quand tu as les arguments, la connaissance, tu as des arguments. Et Inch'Allah Azzawajal, tu pourras participer dans la propagation de cette lumière. Sinon, tu vas insulter. Et toi, tu es un koufar, toi. C'est normal, tu ne crois pas. Toi, tu ne comprends rien, toi. La personne, peut-être, elle est 10 fois plus intelligente que toi. Toi, tu es un raciste. Ça n'aide pas. Par contre, avec les arguments réels et concrets, là, c'est autre chose. Et c'est avec cela que les gens qui ont fait la da'wa ont pu convaincre des gens. Tout le monde ne sera pas convaincu. Le prophète alayhi salatu wasalam n'a pas convaincu tout le monde. Alors, qui va convaincre tout le monde? Mais au moins, tu seras celui qu'Allah utilise pour la guider de certaines personnes, ne serait-ce qu'une seule et unique personne. Donc, prends la bonne base, le bon fondement, la bonne méthode. Tu décris ta religion par ce qu'Allah Azzawajal l'a décrit. C'est une religion de miséricorde. Même le prophète, Allah l'a décrit par... il s'est décrit dans un hadith, « Rahmatul Muhdat », la miséricorde accordée, envoyée. Pourquoi? Parce que dans sa personne, dans sa façon d'être, dans le contenu de ce à quoi il appelle, c'est que miséricorde. Que miséricorde. Donc, quand tu appelles les gens à la religion, tu parles de ça. Tu veux parler de ton Seigneur, tu veux inviter une personne à se repentir. Tu veux appeler une personne à embrasser l'islam. Vas-y, fais-le. Mais ne va pas parler de ce qu'il ne faut pas parler. Ne va pas rentrer dans la politique, ne va pas rentrer dans le foot. Non. Tu parles. Tu décris ton Seigneur par ce qu'il s'est décrit. La miséricorde. Tu parles du Coran, tu dis, voilà, le premier verset dans le Coran, c'est « Bismillahirrahmanirrahim ». Et dans les jugements religieux, tu parles des jugements religieux. Les jugements religieux ne sont là que pour la miséricorde des gens. Les gens, leur salut réside dans le fait d'adorer Allah. Le Coran est venu pour orienter les gens vers l'adoration d'Allah. Les jugements religieux, c'est quoi? 5 prières par jour. Qui prennent combien de temps? 10 minutes. Ça, c'est les imams lorsqu'ils dirigent la prière dans des grandes mosquées, il reste 10 minutes. Disons 5 minutes. Et c'est facilité. Combien de jugements de facilité nous avons dans la religion? Vous voyez, on commence par les ablutions, par la douche. Facilité, facilité, facilité. Tu es malade, tu fais pas les ablutions, tu fais pas de la douche, tu es blessé, tu as le tayammum. Tu n'as rien, ni eau, ni tayammum, tu fais la prière sans rien. La prière, il faut la faire debout, tu peux pas, tu la fais assis, tu peux pas, tu la fais allongée, tu peux pas, tu la fais avec tes yeux, tu peux pas, tu fais intérieurement dans ta tête. Le jeûne, il est obligatoire, mais celui qui n'a pas la capacité, il ne jeûne pas, que ce soit la femme enceinte, la femme qui allaite, l'enfant qui n'est pas pubère, la personne qui est âgée, qui n'a pas la force, le voyageur. Le voyageur, pourquoi? Maintenant, il y a des Boeing, il y a des classes VIP, il y a des lounges VIP et tout. Pourquoi? Oui, parce que le voyageur est fatigué. Et tout le monde n'a pas la capacité d'aller en VIP. Il y a des gens qui vont de Nantes jusqu'au Maroc en voiture. Il y a des gens qui vont de l'Allemagne, de la Belgique, qui traversent toute la France et leur pays, la France, et l'Espagne pour arriver au Maroc ou en Algérie. Ils fatiguent. Allah Azzawajal leur a accordé cette facilité. Et de même, pour plein de choses. Le Hajj, il est obligatoire une seule fois dans la vie. Hajib. Même si la personne va en voyage chaque année et dépense ce qu'il dépense à chaque année, mais le droit d'Allah Azzawajal, c'est une fois dans la vie. Hajib. Et si tu ne peux pas financièrement, tu es excusé. Si tu ne peux pas de par ta santé, tu es excusé. Si tu ne peux pas parce que tu es la seule personne qui peut être au chevet de tes parents qui sont âgés et faibles et qui n'ont que toi, tu es excusé. Si tu ne peux pas parce que sur le chemin il y a des troubles sécuritaires, tu es excusé. Que des excuses, que des facilités. Et ainsi de suite. Vous voyez hier ce que nous avons cité sur le hadith du compagnon qui a eu un rapport avec son épouse pendant le mois du Ramadan, pendant la journée du mois du Ramadan. La première expiation, il n'a pas pu, mahlish. La deuxième, il n'a pas pu, mahlish. La troisième, il n'a pas pu, khlas, mahlish. Tu n'as rien. Après, le prophète Hassan a reçu des dates. Il lui a dit, tiens, prends ces dates et donne-les. Il a dit, je suis le plus pauvre à Médine. Le prophète Hassan a souri, a même rigolé. Il a dit, allez, vas-y, prends-les et nourris ta famille. Miséricorde ou pas miséricorde? Et vous appliquez cela sur tous les autres jugements. Allah Azzawajal a dit, il ne vous a pas imposé une gêne dans votre religion. Regardez, on est dans une ville où on a les voitures, les moyens de transport, et le goudron, et les lampadaires, et les belles vestes avec la capuche et les coupes-vents. Et quand il pleut, la sunna est de ne pas aller à la mosquée. Quand il pleut, tu es à la mosquée, la sunna c'est de regrouper deux prières qui se regroupent. Comme ça, tu ne ressors pas une deuxième fois. Même si tu aimes la mosquée, même si tu aimes partir là-bas, même si Allah aime que tu remplisses les demeures qu'il a établies sur terre, mais Allah te facilite. Qu'il pleuve, qu'il neige, même la boue, les savants disent, même la boue. Si le chemin pour aller à la mosquée est boueux et que ça te dérange un peu, ça te dérange, tu ne vas pas. Ils appellent ça al-wahl. Et ainsi de suite. Que des facilités, que des simplicités. Donc, et les épreuves que peuvent subir les gens sur terre. Même ça, c'est que miséricorde, que facilité. Et on, vous savez, vous avez vu, et peut-être si Allah nous permet, on verra un certain hadith qui parle de ça. D'abord, les épreuves ont des bienfaits inestimables. Ça te casse dans ton élan de l'attachement vers la dunya, ça te casse dans ton orgueil, ça te casse dans tes passions, ça te rappelle ce pourquoi tu es sur terre, tu n'es pas là pour courir derrière le risque uniquement. Ça te plein de choses. Et bien sûr, personne ne subit une épreuve au-dessus de ses capacités. Et qui n'a pas été éprouvé? Et combien parmi nous ont été éprouvés, l'épreuve est passée? Ils ont été éprouvés, l'épreuve est passée, et ainsi de suite. Combien de personnes parmi nous ont été malades? Combien ont été hospitalisées? Combien ont eu des problèmes? Combien? Et à chaque fois, ça passe. C'est une période et ça passe. Et on ressort plus fort de par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, dans un hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsqu'Allah Azza wa Jal finit la création, il écrit, ou bien il écrivit, je ne sais pas comment on dit en français. Qu'est-ce qui m'a corrigé hier? C'est toi. On dit écrit ou écrivit? Au passé. Écrivit. D'accord. Jazakallahu khair. Lorsqu'Allah Azza wa Jal clôtura ou finit la création, il écrivit auprès de lui, au-dessus du trône, que ma miséricorde précède ma colère. Ce hadith est ajib. Il est étonnant, il est merveilleux, il est beau. Il donne de l'espoir, il donne de l'amour, il donne plein de choses. Il donne que du positif. Lorsqu'il a clôturé la création, il a écrit que ma miséricorde précède ma colère. Dans une version, ma miséricorde prend le dessus ou gagne ma colère. Quand est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a écrit cela? Une fois qu'il est fini de créer la création, avant que les êtres humains ne soient créés, les djinns, avant qu'ils commencent à être responsables et jugés pour leurs actes. Allah a établi cela. Sa miséricorde précède ou gagne ou prend le dessus sur sa colère. C'est un signe ou c'est pas un signe? C'est un enseignement ou pas? C'est une base et un fondement ou pas? Certes, oui. Allah Azza wa Jal s'est imposé à lui-même et il s'impose ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, et rien et personne ne peut rien lui imposer. Il s'est imposé de faire précéder sa miséricorde sur sa colère. Pour toute personne et pour toute situation, et pour tous les cas dont lui juge, subhanahu wa ta'ala. Donc ça déjà, je viens de vous dire que le Coran a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et là, je vous dis que la création, une fois finie, Allah Azza wa Jal a établi cette règle que sa miséricorde précède sa colère. Ça aurait suffi. Mais Allah a fait plus. Non seulement Allah a établi cette règle, Allah Azza wa Jal l'a écrit auprès de lui, au-dessus du trône. Et on sait que le trône, c'est la création d'Allah Azza wa Jal qui est au-dessus des cieux. Mais cet écrit est au-dessus du trône. Une fois de plus, un enseignement, un message. Voyez, tu veux parler d'Allah? Parle de ça. Décris-le. Et comme ça, les gens vont voir. Ça va leur donner de l'espoir, ça va leur donner de la vie, ça va leur donner de l'amour d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal a, bien, le jugement d'Allah Azzawajal est bâti et conçu sur le principe fondamental de sa miséricorde, son jugement, son royaume, sa gestion des choses. Il a précédé sa miséricorde sur sa colère, son pardon sur ses reproches, sa bienfaisance sur son châtiment. Et Allah Azzawajal ne veut pas la perdition des gens. Vous voyez, nous, dans ce bas monde, tu conduis une voiture, tu grilles un feu rouge, tu ne respectes pas un stop. Et ceux qui conduisent savent, ça veut dire quoi respecter un stop? Tu respectes pas, le policier, il te voit. Ah non, vous avez fait un CD de passage, monsieur. Oui, mais je me suis arrêté. Non, non, non. Vous arrêtez, vous vous arrêtez, vous freinez, la vitesse zéro sur le compteur, poids mort, première, embrayage, et vous avancez. Vous ne vous êtes pas arrêté. PV. Allah Azzawajal, c'est pas la même chose. Une personne a fait une bêtise dans sa vie. Il a volé. Il a insulté une personne, il s'est bagarré avec une personne. Il passe au palais de justice. Il dit, monsieur le juge, vous avez raison. J'ai fait, je reconnais. J'ai fauté, je me suis trompé. Je vous demande pardon et clémence. Ah ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez fauté, vous êtes auprès de moi, vous devez payer. Financièrement, ou par ceci, ou par cela, ou par ceci, ou par cela. Allah Azzawajal, lui qui est le Seigneur des mondes, le roi des rois, le possesseur de toutes choses, celui qui est au-dessus de toutes choses, quand tu enfreins ses lois alors que toi tu es moins que rien, lui n'a point besoin de toi, ni de toi, ni de tes actes, ni de tes actes, ni de ton bonheur, ni de ton malheur. Rien ne l'affecte. Alors que toi, tu as totalement besoin de lui. Tu ne peux pas être existé, ne serait-ce que un instant, sans les bienfaits d'Allah Azzawajal sur toi. Et malgré ça, tu fais. Tu désobéis, tu transgresses, et tu fais des choses. Et malgré cela, Allah est clément. Allah est pardonneur. Allah est miséricordieux envers toi. Donc, Allah Azzawajal ne veut pas la perdition des gens. Et c'est pour ça qu'il n'a eu de cesse d'envoyer des prophètes et des messagers les uns après les autres. Des fois, il a envoyé un messager dans une communauté. Des fois, il a envoyé deux, des fois trois, des fois quatre, des fois cinq en même temps pour certaines communautés. Et ces messagers envoyés, et envoyés, il a envoyé, il aura donné des preuves et des signes irréfutables de leur véracité, ce qu'on appelle des miracles. Et malgré tout ce qu'il a fait pour que les gens suivent ses prophètes et messagers, les gens ont désobéi. Malgré qu'ils ont désobéi, il leur a laissé le temps de revenir. Donc tout ça, encore une fois, ça montre que Allah ne veut pas la perdition des gens. Et l'exemple, l'un des exemples, et les exemples sont nombreux, l'histoire de la personne qui a tué 99 personnes. Cette personne a tué 99 personnes et a posé la question à un dévot. Un dévot, c'est une personne qui se consacre à l'adoration d'Allah. Ses journées, ses nuits, sa vie entière pour l'adoration d'Allah. Sauf que ce dévot n'avait pas de science, ou manquait significativement de science. Il lui dit, il a tué 99 personnes. Est-il possible pour lui de se repentir? La personne, voyant tous les efforts qu'il fait à longueur de journée, à longueur de sa vie, pour espérer la miséricorde d'Allah, Comment une personne infime comme celle-là, ayant fait 99 fois le péché qui ne se pardonne pas, parce qu'en effet, même en islam, certains compagnons ont dit que le péché qui ne se pardonne pas, c'est le meurtre. Ça ne se pardonne pas. Et cette personne n'a pas fait un meurtre, elle a fait 99, pas deux, non, 99 meurtres. Il lui a dit, comment? Tu viens et tu cherches de repentir. Tu peux pas. Sa vie s'est obscurcie, vu que je peux pas. Je vais direct en enfer. Alors, tant qu'en finir avec celui qui m'a donné cette mauvaise nouvelle, il clôturera son centième meurtre. Il revint une deuxième fois, Allah a mis dans son cœur l'intention de se repentir. On le dirigea vers un réel savant. Le savant lui a dit quoi? Qui peut, comment on dit? Obstacle, se mettre en obstacle. Non? Qui? Barrière, qui? Non. Voilà, vous avez compris le sens. Qui peut se mettre en tant que barrière entre toi et la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah embrasse toutes choses. La miséricorde d'Allah est vaste de manière à embrasser toutes choses et toute personne. Toute personne, même toi qui as tué 99, 100 personnes. Qui peut t'empêcher la miséricorde d'Allah? Qui peut te retenir à la miséricorde d'Allah? Sa vie s'est illuminée et même peut-être il n'a pas fait il n'a pas fait beaucoup de bonnes actions, mais Allah Azzawajal lui a envoyé les anges de la miséricorde pour prendre son âme. Et de ce fait, il est parmi les gens du paradis, Inch'Allah. Donc vous voyez qu'Allah ne veut pas la perdition des gens. Lui, on aurait dit que si lui n'aura pas la perdition, qui l'aura? Mais ça, c'est le jugement humain, nous, limité, restreint, faible, mauvais que nous avons. Allah Azzawajal a la perfection à la perfection dans ses noms et attributs. Et vu qu'il ne veut pas la perdition des gens, tant que cette personne a eu cette bonne graine qui est la foi et l'envie de se repentir envers son Seigneur, Allah Azzawajal l'a accepté. Allah Azzawajal ne veut pas la perdition de ses serviteurs, au contraire, il veut leur salut et il leur facilite cela. Il leur facilite en leur accordant plein de bonnes œuvres qui seront le chemin, le moyen d'avoir la miséricorde d'Allah. Regardez la beauté de l'islam et la multitude des bonnes actions qu'il y a. Voyez, cinq piliers. Est-ce qu'un parmi eux ressemble à l'autre? L'attestation de la foi, la prière, le jeûne, la zakat et le hajj. Personne ne ressemble à l'autre. Et les bonnes œuvres. Est-ce qu'une bonne œuvre ressemble à une autre? Les prières surérogatoires, le wudu répétitif, le dhikr, le doha, le sourire, le bon comportement, et. Rien ne ressemble à l'autre. L'une des sagesses et des raisons, c'est pour faciliter. Tu ne peux pas faire le hajj chaque année, chaque 5 ans, deux fois dans ta vie. Tu le fais une fois, mais la prière, tu peux la faire. Tu n'as pas cette foi, cette force de volonté de faire des prières surérogatoires. Le jeûne, tu peux le faire. Tu ne peux pas faire le jeûne. Mahlish, sadaqa. Tu ne peux pas. Mahlish, bon comportement. Et combien est-il lourd sur la balance? La science, le tesbih, l'invocation, la demande du pardon, aider ton prochain, etc., etc., etc. Ça montre que Allah Azzawajal a facilité à multiplier souboul as-salam, les chemins du salut. Pourquoi? Parce que s'il y aurait eu un seul et unique chemin du salut, le jeûne, s'il y aurait eu dans l'islam que le jeûne, qui aurait pu entrer au paradis si ce n'est quelques-uns, quelques personnes à qui Allah Azzawajal a donné cette force et cette volonté de jeûner. Donc, les chemins qui mènent vers la miséricorde d'Allah et son paradis sont multiples et divers. Et ça, c'est un aspect parmi les aspects de la miséricorde d'Allah. Les péchés sont certes multiples et divers, mais les péchés ne sont écrits que si tu le fais alors que tu sais que c'est un péché, alors que tu as la volonté, il y a certaines conditions. Tu l'as fait, donc tu y as inscrit un moins 1, une CIA, moins 1 c'est une schématisation. C'est écrit une CIA, mais si tu te repens, il est effacé. Et si tu fais ça, il est effacé. Si tu fais ci, il est effacé. Si tu fais ça, il est effacé. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il est dit qu'Allah a facilité le chemin du salut en multipliant les bonnes œuvres, en multipliant les récompenses des bonnes œuvres et en restreignant les seyyi'at, conditions, conditions, conditions. Si toutes les conditions sont réunies, si tu te repenses, c'est effacé. Tu embrasses l'islam, tout est effacé. Tu fais le hajj, tout est effacé. Tu te repens sincèrement et véridiquement de tous tes péchés, tout est effacé. Et ainsi de suite. Voilà pourquoi il est dit cela, que Allah ne veut pas la perdition des gens. Il veut leur salut et leur a facilité cela. Parmi les preuves qui attestent de ce que nous avons cité il y a quelques instants, c'est le verset dans lequel notre Seigneur et Créateur subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction approximative et rapprochée des sens du Coran, qu'Allah fera-t-il de votre châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant, et Allah est reconnaissant et savant. Allah azzawajal, à travers ce verset, nous informe qu'il n'a que faire de notre châtiment. Allah n'a pas besoin de notre châtiment. Le châtiment de celui qui est châtié ne rajoute strictement rien à Allah. Et le bonheur de celui qui reçoit le bonheur ne rajoute ni ne diminue rien et quoi que ce soit à Allah azzawajal. Ni le paradis lui augmente quelque chose, ni l'enfer ne lui augmente quelque chose. Ni le grand nombre des gens qui sont au paradis lui augmente quelque chose, ni le grand nombre des gens qui sont en enfer ne lui augmente quelque chose. Il n'a strictement rien besoin de tout cela. Et ne l'affecte point ni le paradis ni l'enfer. Donc, voilà pourquoi Allah a dit, et que fera Allah azzawajal de votre châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Juste reconnaissez la grandeur de votre Seigneur et ses bienfaits sur vous, et croyez en lui et ce qu'il vous a ordonné de croire. Si vous le faites, il n'a pas besoin de vous châtier. Il vous accordera sa miséricorde, son pardon, sa clémence, et il multipliera vos récompenses, et il vous accordera ses bienfaits éternellement au paradis. Dans un autre verset, ou bien dans une autre série de versets, Allah Azzawajal a dit, selon la traduction approximative et rapprochée des sens sur Coran, « Et ceux qui n'invoquent avec Allah aucune autre divinité, qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en toute justice, et qui ne commettent pas la fornication, quiconque fait cela encourra un châtiment. » Allah Azzawajal, dans ces versets, ou bien ceux qui ont précédé, il a décrit les croyants. Ceux qui se lèvent la nuit, ils invoquent Allah, ils font des du'as, ils craignent Jahannam, le châtiment d'Allah. Ils invoquent Allah Azzawajal de les préserver de son châtiment. Parmi leurs descriptions, parmi comment Allah Azzawajal les a décrits, il y a le fait que ceux qui n'invoquent avec Allah aucune autre divinité, ils ne font pas le shirk, qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendu sacré sauf en toute justice. Ils ne commettent pas de meurtre. Et qu'ils ne commettent pas la fornication. Donc ça, c'est leur description. Après, Allah est passé à ceux qui font ces obscénités. Quiconque fait cela, le shirk, le meurtre, la fornication, quiconque fait cela, encourra un châtiment. Le châtiment d'Allah. Le fait de dire que c'est le châtiment d'Allah, il faut savoir que ces un grand châtiment. Le châtiment lui sera multiplié. Donc ce grand châtiment sera multiplié, intensifié et redoublé. Le châtiment lui sera multiplié le jour de la résurrection. Et il y demeurera éternellement. Et en plus, humilié. Sauf que la miséricorde d'Allah vient. La miséricorde d'Allah vient pour toucher qui ? Celui qui fait du shirk, celui qui a fait du shirk, celui qui a fait le péché qui ne se pardonne pas, le meurtre, et celui qui a fait la fornication, qu'Allah méprise ou déteste. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah leur pardonne. Donc ce qu'ils font, c'est ces péchés capitaux, les fondements des péchés, comme a dit Cheikh Abd al-Razzaq. Ceux qui font cela, ils risquent le châtiment, le terrible châtiment qu'Allah a promis. Hein, le châtiment d'Allah, qui est un terrible châtiment, qui est multiplié, qui est éternel et qui seront humiliés. Et malgré cela, ceux qui se repentent, Allah ne les touche pas sa miséricorde. Ils sont englobés et enveloppés par la miséricorde d'Allah. Imaginez qu'une personne ait fait un de ses péchés et qu'on lui dit que ce que tu as fait, toi, c'est l'extrême de l'extrême. Après, on lui dit, Allah te pardonne. Il va peut-être mourir de joie, littéralement. Tellement il aura la joie, il sera content, il sera délivré de ce qu'il attend, son cœur pourra arrêter de battre. Une personne qui a fait ses erreurs et qui lui dit, on lui dit le meurtre, voilà, vous rappelez, on vient de citer l'histoire de la personne qui a tué 99 personnes. Le dévot lui dit, comment ça ? Un seul meurtre n'est pas pardonnable. Toi, tu as fait 99 fois et tu veux le pardon d'Allah. Et certains compagnons ont dit que le péché qui ne se pardonne pas, c'est le meurtre. Il ne se pardonne pas. Comment tu peux pardonner et comment peut recevoir le pardon une personne qui a pris l'âme d'une personne, qui a pris la vie, qui a séparé une personne de sa famille, de son épouse, de ses parents, de ses enfants. Selon certains salafs, on dit que c'est un péché qui n'est pas pardonné. Et malgré cela, Allah Azza wa Jalla lui accorde pardon. La personne qui entend ça, elle peut déchirer ses vêtements de joie. De subhanallah, il me pardonne alors que j'ai fait. Oui, il te pardonne. Mais sauf que s'il aurait pardonné uniquement, je vous ai dit, on serait mort de joie. Mais Allah n'a pas pardonné à ceux qui font ça, s'ils se repentent. N'a pas uniquement pardonné Allah. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela, Allah, changera leur mauvaise action en bonne. Pardonner, oui, c'est pas suffi, c'est une miséricorde inattendue, inespérée. Mais en plus, la bonté et la grâce de notre Seigneur, c'est que les péchés, des montagnes, des chaînes de montagnes de péchés seront transformées en chaînes de montagnes en hasanat. Pour qui ? Celui qui a fait, qui a fait, qui a fait. Comment cela est-il possible ? La miséricorde d'Allah, la clémence, son pardon, sa bonté, sa grâce, sa bienfaisance, sa reconnaissance panodale. Quand il y a ça, après, quand on voit ça, les péchés capitaux essentiels, les plus graves, Allah promet cela. Toi qui un jour étais enfant et rentré dans le magasin de Ami Flan et tu as volé des bonbons et tu es parti sans lui dire que tu as pris des bonbons, si vraiment tu te repens sincèrement et véridiquement, Inch'Allah. Toi qui durant une période avant de te mettre sur le droit chemin, tu as fait des choses qui ne se disent pas. Si tu t'es repenti sincèrement et véridiquement, tu fais ce qu'Allah a dit dans ce verset, Espère, crois et foi, attends la miséricorde d'Allah. Cela, Allah changera leur mauvaise action en bonne action. Et Allah est quoi? Pardonneur très miséricordieux. Les non-sujets de notre cours actuellement. Donc vous voyez, normalement, j'aime pas vos visages. Vous avez des visages, des regards profonds. Vous suivez bien, Barclafik. Mais normalement, vous devez sourire, même rigoler. Le prophète Ali Sassem, une fois, il a raconté un hadith aux compagnons. Il a dit, mais il a souri à la fin du hadith. Il leur a dit, mais pourquoi vous souriez pas? Ils ont souri. Il leur a dit, non, il leur a dit, pourquoi vous me demandez pas pourquoi je souris? Ils ont dit, oh, messager d'Allah, pourquoi tu as souri? Il leur a dit, parce que Allah a souri à ce moment-là. Donc, c'est une bonne chose que de sourire en voyant cela, ça reflète des choses positives, des bonnes choses. Et Inch'Allah, si vous souriez, Inch'Allah, Allah nous accordera à tous une part de sa miséricorde et de sa clémence. Amen. Ce n'est pas une condition, hein. C'est un souhait. Mais par contre, Allah Azza wa Jalla a promis cette grâce sous condition. Il a dit, sauf celui qui se repent, croit et accomplit les bonnes œuvres. Alors que celui qui persiste dans les péchés ne rentre pas dans ça. Même s'il n'a pas fait ses trois péchés capitaux, il a fait des moindres péchés, mais s'il est dans la persistance dans cela, il risque de ne pas avoir cette miséricorde, sauf si Allah le décide et c'est lui qui fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté que Iblis, Satan, a dit, par ta puissance, donc il a parlé à Allah, par ta puissance, je ne cesserai de tenter tes serviteurs tant que leurs âmes sont dans leur corps. Je ne cesserai de les tenter. Et il savait que les serviteurs d'Allah, Azzawajal, une bonne partie le suivraient. Allah a dit, par ma puissance et ma majesté, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Toi, tu les dévis. S'ils se repentent et demandent pardon, moi, je les accepte. Je leur pardonne. J'efface leurs péchés. J'absous leurs erreurs. Ça prouve, et encore une fois, ce que nous avons dit plus haut, que le jugement d'Allah Azzawajal est basé sur la clémence, le pardon. Et Allah n'a que faire de châtier ses serviteurs tant qu'ils croient et ils font les bonnes œuvres. Dans un hadith divin, notre Seigneur le Tout-Haut, subhanahu wa ta'ala, a dit « Ô mes serviteurs, vous qui commettez des fautes nuit et jour. » Petite parenthèse, il faut. « Vous qui faites des fautes nuit et jour. Ô mes serviteurs. » Nous tous et toute autre personne. Cela veut dire que toi aussi, tu fais des fautes, des péchés, nuit et jour. Alors, si Allah dévoile à ta connaissance un de tes frères ou une de tes sœurs qui fait un péché, rappelle-toi que toi aussi, tu as des péchés. Donc, sache comment te comporter avec l'erreur et le péché de ton frère, de ta sœur, parce que toi, tu n'es pas à l'abri des péchés auparavant, aujourd'hui et dans le futur. Donc, dénigrer, rabaisser. Ah oui, ça y est, je l'ai trouvé. Photos, réseaux sociaux, ou bien parler, oui, vous savez, dans un café, dans un repas, dans un parc, et on prend les sujets, la chair des gens. Oui, tu sais, elle l'a fait. Oui, tu sais, l'autre, il l'a fait. Il faut faire attention à cela. Ô mes serviteurs, vous commettez des fautes nuit et jour. Et moi, je pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc pardon, je vous pardonnerai. Vous fautez nuit et jour. Il n'a pas dit ce que c'est des petites fautes ou des grandes fautes. Il a dit que moi, je pardonne toutes les fautes. Il n'a pas dit ce que c'est les petites ou les grandes. Donc, tout est englobé. Et demandez-moi le pardon et je vous pardonnerai. Ça veut dire que chaque nuit, chaque jour que tu fais des péchés, si tu demandes le pardon auprès d'Allah, Allah dira, mon serviteur a su qu'il a un Seigneur qui peut pardonner les péchés, comme dans un hadith, alors je lui pardonne. Parce que la croyance, c'est pour ça que les savants disent que la croyance, c'est le fondement des bonnes œuvres. Tu as une bonne croyance vis-à-vis de ton Seigneur, tes œuvres, t'inquiète pas, c'est plus facile. Si tu as une bonne croyance envers ton Seigneur sur le fait qu'il est tout miséricordieux, très miséricordieux, et il n'y a pas un péché qui est trop lourd, trop grand, trop grave pour lui, qui ne pourra pas te pardonner, quand tu as cette croyance, si tu n'as pas cette croyance, et que tu as la bonne croyance, il te pardonnera. Nous, on sait, nous, en tant qu'être humain, il y a des péchés qu'on ne peut pas pardonner. Il y a des péchés, il n'y a pas besoin que je vous dise des choses que des gens vous font à vous, dans votre honneur, vous font à vos enfants, à vos parents, à vos épouses, à votre argent, à votre réputation. Vous savez que si vous faites cela, vous pouvez dire non, ça je ne pardonne pas. Mais Allah Azzawajal pardonne toutes choses. Et ça revient encore une fois à ce fondement et ce principe qu'Allah Azzawajal a mis comme base et fondement dans toutes choses, que sa miséricorde précède sa colère. Nous implorons notre Seigneur le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le grand pardonneur, de nous accorder ses bienfaits dans ce bas monde, dans l'au-delà, à nous, à nos proches, nos parents et toute la communauté musulmane. Hada wallahu a'lam, subhanak allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa an'ama allahu alaykum. S'il n'y a pas de questions, je vous libère. Est-ce que le repentir doit être ciblé ou est-ce qu'il peut être général? Les deux repentirs sont corrects et sont demandés. Donc si une personne connaît ou bien pense, se rappelle et sait qu'il a fait un péché, le mieux pour lui c'est de se repentir de ce péché, spécifiquement. Si il ne se rappelle pas de tous ses péchés ou bien il craint oublier certains péchés, parce que ça fait longtemps, parce qu'il peut avoir fait un péché sans savoir qu'il l'a fait. Donc de ce fait, il doit rajouter un repentir global et général. Donc il faut avoir les deux repentirs, spécifiques pour les péchés qu'on connaît et génériques pour ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Même ce qu'on connaît, on fait un repentir générique et Inch'Allah Azzawajal, c'est une cause supplémentaire pour le pardon d'Allah. Wallahu a'lam. Jazakum. À ma connaissance, si Allah est plus sage et plus savant, ça n'existe pas de faire dolakat, de repentir. C'est vrai qu'il y a un hadith salat al-tawba, bien non, il y a une prière qui est décrite comme la prière du repentir, mais si je ne me trompe pas, et si mes souvenirs sont bons, c'est le hadith qui cite cela est faible, même si certains savants le recommandent, mais non, moi je préfère suivre l'avis des savants qui disent qu'il ne faut pas appliquer des hadiths qui sont faibles, et ce qui est authentique est amplement suffisant. Donc, une personne qui veut se repentir, qui se repent sincèrement et véridiquement, intérieurement, avec la parole, il invoque Allah et il dit les choses. Sauf que, il peut faire deux rak'at pour espérer qu'il accomplisse les bonnes œuvres qui effacent les mauvaises. Comme Allah a dit, « Innal hasanati yudhibna sayyi'at » les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Donc, si tu fais deux rak'at après avoir fait un péché, après t'être repenti, avec l'intention que, ou il y a l'espoir que ces deux rak'at soient une cause de par laquelle Allah efface ton péché, Inch'Allah, il n'y a pas de mal. Wallahu a'lam wa a'lam, jazakumullahu khairan, wa subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.